Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la popote des idées. Jusqu'à 11h30, on aborde la question de la misère en France sur Radio Laser. Nous n'avons pas de misère en France, affirmait Patrick Balkany il y a quelques années. L'actuel maire de Levallois-Perret et député des Hauts-de-Seine, qui est donc cumulard soit dit en passant, intervenait dans le cadre d'une fausse interview organisée par les Yes Men. Quelques secondes plus tard, Balkany arrivera à dire que les sans-domicile fixe, les SDF, seraient des individus ayant fait le choix de vivre en marge de la société et que par ailleurs, ils vivent très bien. Alors, pour être tout à fait transparent, cette interview date de 2005 et on peut toujours espérer que face à la situation de la France, Balkany ait changé d'avis. Car les chiffres sont assez alarmants. Environ 10% de la population française, soit environ 1 million de Français, seraient dans une situation de pauvreté. Alors bien sûr, la pauvreté entraîne des difficultés matérielles. N'est-ce pas le couple Clure qui, dans le film Merci Patron de François Ruffin, expliquait que leur seule façon de pouvoir vivre avec seulement 3€ par jour était de ne pas manger. Mais la misère est aussi une question sociale. La stigmatisation des pauvres est importante en France. La charité en est l'exemple le plus frappant. Une situation complexe entre celui qui peut aider et celui qui doit se faire aider, celui qui a de l'argent et celui qui n'en a pas. Alors sans prétendre pouvoir supprimer la pauvreté, peut-être faudrait-il revoir les liens qui unissent ceux qui ont du mal et ceux qui ont les moyens. Mais comment reconstruire ce lien? On nous dit qu'il y a régulièrement que l'école est en faute, qu'elle ne fait qu'aggraver les inégalités sociales. Alors y a-t-il un moyen d'améliorer cette éducation? La misère est-elle une fatalité? C'est la question que nous poserons jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Et nous réalisons cette émission dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère qui aura lieu lundi prochain. Nous reviendrons à la fin de l'émission sur les différentes actions mises en place à cette occasion. Comme toutes les semaines, je serai accompagné pour cette émission de mes deux camarades. Clément, bonjour. Bonjour à tous. Alors, tu allais faire un reportage aujourd'hui et c'était auprès du Secours Populaire. Oui, tout à fait. J'ai pu me rendre à la section départementale du Secours Populaire et j'ai pu interviewer le président du Secours Populaire ainsi qu'une bénévole. Et j'ai pu aussi voir les différentes installations qu'il y avait. Et voilà. Eh bien, on écoutera ça vers le milieu de l'émission. Colin, salut. Salut Tanguy, salut à tous. Et tu reviens donc chaque semaine sur une image médiatique qui t'a profondément marqué. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, puisqu'on a décidé de se demander si la misère était une fatalité, je lance un appel aux dons pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. J'ai nommé Kim Kardashian. On reviendra sur le traitement médiatique de cette affaire qui a ébranlé la France, pardon le monde. Merci à Yves et à Arthur pour la technique, merci à Steven qui est là en observateur. Vous connaissez tout, la popote des idées du samedi 15 octobre 2016, c'est jusqu'à 11h30. Et donc pour discuter de ce sujet, je reçois aujourd'hui trois invités. Marcel Lehir, bonjour. Bonjour. Je vais demander ton micro. Donc vous êtes militant à l'association ATD Quart Monde et vous êtes accompagné aujourd'hui de René Villabesset. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc aussi militant à ATD Quart Monde. Et enfin, en troisième invité, je reçois Héloïse Avril. Bonjour. Et donc, vous êtes actuellement en DAEU, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Juste me tourner vers vous, Marcel Lehir et René Villabesset. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est ATD Quart Monde pour les gens qui ne connaîtraient pas Marcel Lehir? ATD Quart Monde, c'est agir pour tous pour la dignité. C'est le slogan. Donc c'est des ATD Quart Monde est un grand mouvement mondial qui représente 29 pays à peu près sur 4 continents. Dans ce mouvement, il y a des militants, des alliés et des volontaires. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces termes de militants, alliés, volontaires, puisque vous insistez beaucoup sur... Volontaires, ils sont employés, ils perçoivent un salaire qui est un petit peu moins du SMIG. Donc ils sont à temps plein dans différents pays. Donc c'est des gens qui ont laissé leurs études, ce qu'ils faisaient, qui avaient une très bonne situation et qui à un moment donné dans leur vie ont décidé d'aller à la rencontre de gens en très grande pauvreté pour les accompagner à reprendre goût à la vie. D'accord. Alors les alliés, bien sûr, c'est les amis du mouvement. Chacun d'entre nous peut être un ami du mouvement qui donne de son temps pour accompagner aussi les gens en très grande pauvreté. Et les militants, dont René et moi-même faisons partie, on est issus de la misère, hein, qu'on a connue dans notre enfance, donc on a grandi avec. Et aujourd'hui, moi personnellement, je m'en suis sorti, René aussi. Et donc, mon devoir aujourd'hui est d'aller redonner ce qu'on m'a donné auprès des gens en très grande difficulté. Voilà. Très bien. Alors du coup, pour continuer dans cette idée de comprendre un peu de quoi on parle, on peut essayer de donner un peu une définition, ce qui n'est pas facile, de ce qu'est la pauvreté en fait en France. On peut notamment peut-être partir sur des chiffres. Donc en France, le seuil de pauvreté, c'est pour une famille, mais prenons l'exemple d'une famille avec donc un couple avec un enfant de moins de 14 ans, un foyer avec moins de 1 500 € par mois. Ça, c'est les chiffres qui sont donnés par l'INSEE. Est-ce que vous, à ATD, vous êtes un peu d'accord avec cette situation ou vous considérez plutôt que c'est même en dessous de ça qu'on peut parler de misère, de pauvreté? René Villabesset, peut-être. Écoutez, vous avez dit 1 250 € par mois, c'est ça? 1 500. Pour 1 500 un couple avec un enfant de moins de 14 ans. Avec un enfant. Tout dépend de la situation. Enfin... moi, je peux pas parler de... C'est-à-dire que dans l'époque où je travaillais, comme tout le monde, j'ai connu Télécarbonde. Ça fait plus de 8 ans que je connais Télécarbonde. J'ai vécu là-dedans. Et puis, comment dire... C'est-à-dire que... la base de ce que je vis, c'est-à-dire... moi, je vis avec 800 € par mois parce que j'ai une pension d'invité. J'ai travaillé dans ma vie. Et puis, 800 €, c'est déjà une base pour moi qui me suffirait. Mais enfin, moi, j'ai le seul de pauvreté. Quand vous voyez les personnes qui touchent 400 ou 500 € de RSA, ils ont du mal à survivre. Pour moi, ils ont du mal à survivre. Ils peuvent pas arriver. Ils peuvent pas voir ce qui avoir un logement convenable. C'est des logements insalubres. Ils ne vivent pas ils vivent pas que je vis avec ma pension d'invité, mais enfin, pour moi, ça fait de la peine de voir des gens, rien que le RSA, déjà, c'est beaucoup, c'est... Moi, je dis que le RSA n'aurait pas existé, on devrait mettre au moins, pour moi, ma loi pour moi, ça serait de mettre tout le monde à 800 €, quoi, une pension d'invité, et puis au moins avec 800 €, on peut se payer moi, j'ai un SVE chez moi, et puis, je vis très bien, j'arrive à payer mes factures, je me paye pas des vacances tous les jours, enfin, je me paye pas de vacances, mais, je vis une vie, moi, je connais des amis, des gens, et puis, je suis très bien avec eux, c'est-à-dire que aussi il y a un problème aussi après, c'est bon, sur la situation des gens, qu'est-ce qu'ils font de leur argent, hein, ça c'est pas notre problème chez nous. C'est-à-dire qu'il faut dire dans la vie que on vit c'est beaucoup le œuvre de pauvreté qui fait de la peine, moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi je veux dire. Là-dessus un peu plus tard juste dans l'émission, mais c'est juste pour avoir peut-être votre avis, vous, Héloïse Avril, est-ce que vous êtes d'accord, enfin, vous pensez que le RSA à 800 € pour une personne serait... on peut vivre avec un RSA à 800 € pour une personne ou pas, ou c'est trop peu? Non, 800 €, on peut vivre assez convenablement, je veux dire, on peut se payer un loyer, on peut payer nos factures tous les mois et manger à chaque repas au moins. Donc 800 €, ce serait génial, ouais. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont concernés à ne pas pouvoir manger à chaque repas aujourd'hui et à toucher donc moins de 800 € selon vous. Parce que dans cette définition, on peut des fois, les personnes qui touchent 800 € peuvent rentrer dans une case où ils sont plus considérés comme pauvres. Avec 800 € par mois, on est plus pauvre, ça m'étonnerait. Enfin, selon certains chiffres, on est plus considéré comme pauvre. Je pense que ceux qui ont pondu les chiffres sont pas au courant de ce que c'est que de vivre avec 800 €, quoi. Donc... oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est surtout ça, parce que 800 € c'est bien le minimum, ouais, 800 euros, c'est le minimum pour pouvoir avoir un appartement où le loyer est pas trop cher, mais l'appartement est quand même convenable, payer les factures qui vont avec et la nourriture qui va derrière, quoi. À moins de ça, on mange pas à tous les repas, ou on se restreint sur plein de choses, on met de côté notre vie sociale, ou tout le reste, quoi. Alors, et donc ce nombre de personnes qui seraient considérées donc comme pauvres, selon les chiffres, a augmenté ces dernièrement. On considère qu'il y a eu, entre 2004 et 2014, 1 million à peu près de personnes en plus en France qui seraient passées sous le seuil de pauvreté. Marcel Lehir, vous qui, avec ATD Quart-Monde, vous devez voir des personnes dans ces situations-là. Est-ce que vous remarquez une augmentation ? Est-ce que vous avez plus de fréquentation, plus de contacts avec des gens qui auraient des problèmes financiers, là, pour le coup ? Quelqu'un qui touche 1200 euros par mois, qui a un loyer qui tourne autour des 500 ou 600 euros par mois, c'est pour vous faire une différence avec le RSA. Mmh. Une fois qu'il a payé ses charges et tout ça, il lui reste 300 euros. On est en train de faire une étude à Télé Quart-Monde là-dessus. Il lui reste 300 euros pour faire le mois. Bon, il faut qu'il mange, il faut qu'il s'habille. Je pars de 1200 euros, hein. Donc les gens qui sont en RSA, bon, on va leur dire qu'ils ont des aides, bon, ce qui n'est pas faux, mais ils vont payer le loyer, et on en revient exactement au même. Ils vont payer un loyer beaucoup moins cher, bien sûr, mais on va revenir exactement au même. On va se retrouver avec un équilibre entre 250 et 300 euros pour faire le mois. Et des fois, ils sont deux ou trois dans la famille. Et donc, on ne peut pas vivre avec ça. C'est pas possible. Pour une fois tout réglé, il faudrait tourner pour être à l'aise dans le mois, parce qu'on peut avoir des pépins qui arrivent de l'imprévu, si on veut au moins avoir une voiture pour se déplacer, ne serait-ce que pour aller bosser, parce que des fois on nous donne un emploi, c'est à 15 kilomètres, donc il faudrait au moins tout payer, avoir entre 800 et 900 euros par mois pour être à l'aise. Hein, c'est ce qu'on voit, nous, à peu près. Donc, aujourd'hui, il y a des travailleurs pauvres qui ne peuvent pas se loger, qui sont obligés d'aller dormir dans leur voiture. Alors, c'est inacceptable en France, qui c'est un pays riche. Quand ce monsieur Baltani vient nous pondre des idées, il peut parler, hein. Il peut parler, lui, hein, de toute façon, avec tout ce qu'il a derrière. Pas concerné. Alors, c'est ces gens-là qui viennent faire la morale maintenant aux autres. Non, c'est deux mondes, quoi. Deux mondes qui sont complètement. Vous savez, quand vous rencontrez des gens en très grande difficulté qui vous disent on fait tout pour s'en sortir, et que ceux-là, on les juge, ils ont qu'à aller bosser. Oui, mais on fait tout pour s'en sortir et on n'y arrive pas. Parce que des gens comme ce monsieur portent un regard complètement néfaste sur eux. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir. Et on vit dans un monde où c'est toujours le politique qui roule sur une autoroute. Hein, il fonce. Il ne s'occupe pas si les autres peuvent suivre derrière. Et du coup, là, oui, vous vous lancez sur un autre sujet donc, de la misère, parce que la misère n'est pas seulement économique, elle est aussi donc, sociale. Est-ce que la stigmatisation qui a pu exister, est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui ? Est-ce qu'on a toujours une tendance à stigmatiser les gens qui ont moins de moyens ? Est-ce que c'est de l'ordre ? Parce que c'est un peu un cercle vicieux, pardon, parce que est-ce que les gens qui sont pauvres peuvent s'en sortir ? Et est-ce que le regard que la société porte sur ces personnes-là est toujours aussi mauvais et les empêche enfin, ne facilite pas la tâche à pouvoir sortir de ce carcan de la pauvreté. Alors, bien sûr, il y a la misère, c'est le manque. On est tous d'accord là-dessus. Le manque, hein, les gens, on vient d'en parler. Mais aussi la misère. La misère qu'on ne voit pas, les invisibles. C'est-à-dire, quand je dis invisible, c'est la misère quand on passe à côté de ces gens et qu'on les ignore. Il y a la misère aussi qui provoque de la honte. Hein, il y a le jugement, le regard de l'autre. Vous allez dans un bureau, vous n'avez pas de vous êtes mal chaussé ou vous avez mal habillé, c'est pas le physique qu'on regarde, on baisse les yeux pour regarder comment vous êtes habillé. Donc tout ça c'est un reflet d'une autre misère qui est bien ancrée et ça c'est une misère qui tue, parce que celui qui est en face, qui reçoit en pleine figure ce regard et ce jugement, il repart chez lui toujours avec l'impression qu'il ne fait pas partie de ce monde-là. Et quand on est militant, qu'on a vécu des choses comme ça, et que on voit de l'autre côté, parce qu'on est pas de l'autre côté de la barrière, parce que la misère vous suit tout le temps. Hein. C'est un peu comme des poux sur la tête. Vous savez, vous avez beau mettre du produit, mais ils s'imprègnent. Hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Et notre combat à Télécarmonte, c'est vraiment de pas de éviter ce regard et de dire voilà, c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler, parce que si on ne travaille pas avec eux, jamais on y arrivera à avoir une société qui est juste, parce que eux, ils ont du savoir, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Alors, Héloïse Avril, peut-être que vous connaissez ou vous avez connu vous-même des regards négatifs. Est-ce que vous trouvez justement qu'on peut avoir des mauvais a priori sur des gens, partir du principe que quelqu'un qui a moins de moyens serait moins intelligent, moins apte à une réflexion, pas capable de s'intégrer? Est-ce que ça existe encore, ces idées-là? Oh oui, beaucoup. Rien que en cherchant un emploi, dire à un employeur qu'on a besoin d'un travail financièrement parlant, hein, qui a aucune motivation, genre c'est pas la passion de ma vie d'aller bosser dans un bureau ou n'importe quoi, mais je lui dis que j'ai besoin de ce travail, il va me regarder bizarrement et je suis très rarement rappelée, parce que si j'en ai besoin, ça veut dire que je sais pas faire autre chose à la base, ou que je sais mal chercher, ou que j'ai pas été capable de trouver un autre travail ailleurs. Et c'est le problème partout comme ça, où rien que regarder, on en a plein à Satane, des SDF, j'en connais pas mal, où j'ai parlé avec eux, je passe du temps avec eux de temps en temps. C'est des gens qui ont vécu plein de choses, qui ont plein de savoirs. Certains ont des diplômes, mais ils se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont jamais trouvé de travail. Et les gens qui passent dans la rue, dès qu'ils veulent demander quelque chose, rien que parler pour avoir un bout de contact humain, les gens s'en écartent, les regardent de la tête aux pieds, et voilà. C'est un mauvais regard de base qui, eux, ne les aident pas derrière. Alors, René Villabessé, vous êtes d'accord avec ce mauvais regard qu'on oui, peut avoir sur les gens? Je suis tout à fait d'accord avec cette personne. Parce que moi, j'ai connu la misère. Hein. J'ai perdu mon père, ma mère d'abord, qu'on est après mon père. J'ai dans une famille adoptive. Ma vie a été très dure. J'ai, la misère, j'ai connu parce que j'étais dans la rue. Enfin, j'étais dans une famille adoptive. Après, j'ai fait toute la France. J'ai travaillé un peu partout. J'ai jamais été fainéant. Et puis, j'avais pas de lien à m'accrocher à quelque chose, quoi. Et puis, quelques années après, plus tard, je sais pas, c'est une étoile qui a brillé. Et j'ai connu une dame qui m'a proposé de la Télécarmonte. Et puis, on dit, tiens, René, on fait ça et ça, pour la pauvreté, tout ça. Moi, j'avais plus de soutien, j'avais plus de lien. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis, à faire mesure de connaître les gens, c'est-à-dire que je voulais écrire un livre que je ne ferais pas. C'est raconter ma vie, quoi. Et puis, je me suis accroché à ces gens-là, à Télécarmonte. J'ai dit oui, pourquoi, quand je voyais tous ces gens, en train de ne savaient pas lire, écrire, ou ils avaient des problèmes des lois, parce que les lois, tout le monde ne connaît pas les lois et tout ça. Et puis je me suis dit, pourquoi pas venir à Télécarmonte. Et puis je suis venu à Télécarmonte, et puis j'ai dit, tiens, il y a un soutien, il y a une grande famille, on demande un conseil, un truc, ça m'a réconforté. Et puis et bien là, j'ai dit, je veux bien aider les gens, et puis si je peux en faire plus, j'en ferai plus, quoi. Et c'est parce que maintenant, je suis dans l'association, je me plais, et puis ça serait, jusqu'à maintenant, c'est ma bataille, hein, c'est d'aider les gens, les pauvres. Je peux gagner, mettons, 10 millions d'euros, je les donnerai aux pauvres, hein, c'est ma mission, c'est ça, c'est d'aider les gens, il faut s'aimer entre les uns et les autres. C'est très important, l'amour est très important, quoi. Donc, quand vous voyez dans les pays, vous voyez à Haïti, là, tout ce qui s'est passé, la tornade, tout ça, c'est un truc très important. Pour moi, c'est beaucoup vis-à-vis de mon cœur, quoi. C'est un lien très fort. On est tous pareils, on a tous été créés pareils, et puis c'est un truc, qui n'aurait pas existé, quoi. Cette pauvreté, c'est vraiment, il y a des gens qui se battent encore, hein, Mais comme je vous dis, c'est un truc qui me fait beaucoup de peine. Mais et alors, puis, justement, juste pour revenir, du coup, vous, votre témoignage est intéressant, puisque vous dites bien que du coup, c'est ATD qui vous a aidé à vous en sortir. Oui. Et du coup, est-ce que c'est justement des associations qui peuvent aider à les personnes un peu bah, qui ont du mal, qui ont beaucoup de mal dans la vie, à s'en sortir ? Est-ce que, parce que des associations comme ATD sont quand même tenues principalement, je suppose que vous pourrez le confirmer, Monsieur Lehir, par des bénévoles ? Est-ce que c'est une activité bénévole qui doit aider les gens, ou est-ce que il faudrait que l'État se mette à est-ce que ce soit centralisé, que ce soit mais peut-être beaucoup moins humain ? Il faut bien savoir que ATD a quelque chose de spécifique, c'est que il ne fait pas pour les gens, il fait avec les gens. Hein. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on enlève l'assistanat, quoi. Quand vous faites avec les gens, on les rend responsables. Donc à un moment donné, moi aussi, on m'a rendu responsable de pouvoir m'en sortir. Et ils ont été à mon écoute, ils ont été ils m'ont aidé dans les moments difficiles. Ils m'ont aidé dans les moments difficiles. Ils ont été à mon écoute et ils ne m'ont pas jugé. Quand vous arrivez là, vous racontez votre histoire. Enfin, vous la racontez quand on peut la raconter. Mais c'est vraiment ces personnes. On le retrouve dans beaucoup d'associations. Hein. Mais si il n'y avait pas d'associations, imaginez le monde où on vivrait. On vivrait. Quand vous dites cette jeune femme qui cherche un emploi, j'ai trois garçons, moi, mais aller frapper aux portes et ce qu'elle nous dit, c'est exactement ça. Hein, bon, ils sont pas tous pareils, les patrons, quand même. Hein, mais, faut pas généraliser, mais c'est vrai non, que ça, parce ça existe. Que, mais c'est vraiment... Il faut se mettre à nu pour dire, voilà, ah ben, écoutez, on vous prend. Mais on n'a pas à se mettre à nous, à aller raconter notre vie pour qu'on soit reconnu par quelqu'un. Quand on est motivé de faire quelque chose, n'importe quoi, eh ben qu'on nous dise. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, c'est juste à côté, hein, j'ai rencontré quelqu'un qui est chef d'entreprise. Elle me dit, quand il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau, je ne lui demande pas son CV, je ne lui demande pas d'où il vient, s'il a fait de la prison ou pas. Je lui demande simplement, t'as envie de bosser ? Eh ben, écoute, tu commences demain matin, hein, on te prend un mois à l'essai, c'est tout. Hein. Alors maintenant, il faut des papiers, il faut voilà, si vous avez un trou dans votre CV d'un an, ben oui, mais vous voyez, vous avez pu savoir travailler. Hein. Alors, Héloïse Avril, juste avant peut-être de passer à la chronique de Colin, vous avez pu avoir des fois un besoin d'aller voir des associations qui ont pu vous aider, ou vous n'avez pas encore eu ce besoin-là, ou vous espérez ne pas l'avoir ? Si, là, je vais rentrer dans la phase où je vais en avoir besoin. Ouais, va falloir que j'aille au Resto du Cœur ou supplier une assistante sociale d'avoir des aides, quelles qu'elles soient, pour soit financer mes études, soit mon loyer ou autre. Je rentre dans cette phase-là. Là. D'accord, ok. Alors du coup, en parlant d'associations donc, qui aident, je propose que nous passions à la chronique de Colin. De Clément. Oh, j'ai du mal. Donc voilà, bah, alors Clément, vas-y. De quoi tu vas nous parler ? Eh oui, merci Tanguy. Je me suis rendu au Secours Populaire aujourd'hui afin d'y rencontrer des bénévoles et des personnes dans le besoin. Alors malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas, de bénéficiaires qui ne veulent pas en parler, parce que bon, ça peut se comprendre aussi, voilà. Et j'ai pu m'entretenir avec le président de la section départementale 35, Jean-François Rivé, et je lui ai d'abord demandé ce qu'était le Secours Populaire. C'est une association de solidarité qui a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et donc qui a fêté ses 70 ans en 2015 et dont le but principal, les statuts sont très simples, c'est pratiquer la solidarité en France et dans le monde. Alors ensuite, je lui ai demandé quelles étaient les actions de l'organisation au niveau national mais aussi international. Alors le Secours Populaire donc, a comme principe de pratiquer la solidarité. sous toutes ses formes possibles. Donc nous sommes une association de solidarité généraliste. Nous intervenons partout là où les personnes ont des besoins. Ça peut être des besoins primaires d'urgence tels que l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, l'aide matérielle, des aides financières également, mais aussi des aides concernant l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, des jouets pour Noël, aider des enfants dans leur scolarité, aider des adultes à apprendre le français, faire partir des gens en vacances. Donc vraiment, il n'y a pas de limitation quant à nos actions de solidarité. Là où il y a des compétences bénévoles, on peut créer un salon de coiffure. Là où il y a des compétences de bénévoles, on peut faire une sorte d'atelier également d'écrivain public. Donc tout est possible parce que les gens ont besoin de tout. Et concernant effectivement la partie solidarité mondiale, donc le Secours Populaire, dès les années 50-60, a développé son aide auprès d'autres partenaires étrangers. Donc actuellement, le Secours Populaire mène plus de 140 projets dans 50 pays différents. Il intervient à la fois dans l'urgence, c'est-à-dire en allant sur place avec de l'argent pour acheter des matériels de première nécessité. Et il intervient également après dans ce qu'on appelle les phases de reconstruction et de développement en s'appuyant sur un partenaire local pour l'aider, par exemple, à construire une école, pour l'aider sur des projets agricoles. Donc le Secours Populaire intervient surtout sur des projets d'ordre sanitaire, scolaire, ainsi qu'agricole. Alors nous allons voir que les actions étaient diverses et variées au sein de Secours Populaire. Et nous sommes ensuite tournés vers la section locale de Rennes et nous avons parlé des bénéficiaires des actions du Secours Populaire. Qui sont-ils ? Alors le Secours Populaire dans le département, parce qu'il existe donc 95 fédérations en France, une par département, et 700 comités locaux. Donc là, ce sont des chiffres au niveau d'Ille-et-Vilaine que je vais vous donner. Nous aidons à peu près 4500 familles, ce qui représente 13 000 personnes. Donc toutes ces personnes ont généralement moins de 5 euros par jour pour vivre. Et quand je dis 5 euros, c'est une fois qu'elles ont payé les charges que chacun peut payer, un loyer, l'eau, l'EDF, le téléphone. Donc nous aidons des personnes qui vraiment ont ce qu'on appelle une sorte de reste à vivre très très faible, puisque ça représente moins de 5 euros net par jour et par personne. Donc qui est-ce qui est englobé ? Beaucoup de familles, des personnes seules, de plus en plus de seniors, parfois quelques jeunes étudiants également, et bien sûr des populations qui viennent d'autres pays, donc ce qu'on appelle communément des migrants. Alors après avoir vu la question des sections locales et des bénéficiaires, je voulais poser la question du financement, car vu le nombre d'actions qu'ils ont, il faut qu'ils puissent se financer. Je leur ai demandé comment l'association se finançait. Alors le Secours Populaire est une association fondée sur le bénévolat. Donc il y a en France plus de 80 000 bénévoles qui sont Secours Populaire. En Ille-et-Vilaine, c'est à peu près 400 bénévoles qui donnent de leur temps, de une demi-journée à certains qui viennent presque tous les jours. Donc notre principale force, c'est le bénévolat. Dans le département, nous sommes 3 salariés. Voilà. Donc il y a à peu près 800 salariés au niveau national, toutes structures confondues, et 3 salariés en Ille-et-Vilaine. Donc le Secours Populaire fonctionne grâce surtout à des bénévoles, à quelques salariés, aux dons des particuliers, donc des particuliers qui nous font des dons, aux subventions également qu'on peut nous donner, surtout le Conseil Général, la CAF et la Ville de Rennes nous concernant, et également toutes les initiatives que nous on peut faire, par exemple des braderies à l'extérieur, des collectes, etc., qui nous permettent d'avoir des fonds pour pouvoir pratiquer la solidarité. Alors ensuite, nous avons parlé d'un événement qui est organisé par le Secours Populaire, qui s'appelle la Fête de la Solidarité, qui va se dérouler du 21 au 23 octobre. Oui, donc le Secours Populaire, tous les 2 ans, organise au niveau national un festival des solidarités que l'on appelait avant la Rencontre Nationale des Jeunes. Donc ce festival des solidarités se dirige vers les jeunes bénévoles du Secours Populaire, en gros entre 18 ans et puis 30 ans. Et donc l'idée est que chaque fédération, donc chaque département du Secours Populaire, envoie 2-3 jeunes de sa fédération. Donc le festival des solidarités va se dérouler à Rennes, au Triangle, les 21, 22 et 23 octobre, donc la semaine prochaine. Et donc l'idée est que tous ces jeunes travaillent durant ces 3 jours sur des ateliers différents, comment impliquer les jeunes dans le bénévolat, comment faire en sorte que les jeunes prennent des responsabilités au niveau associatif, et donc que tout le monde travaille. Il va y avoir également une parade dans la ville de Rennes le samedi après-midi pour que tous ces jeunes repartent dans leur fédération et plein de projets et puissent prendre encore plus d'importance au sein de leur structure locale. Alors après m'être entretenu avec le président de la section départementale, une bénévole, Viviane Joannet, m'a présenté une partie des locaux et notamment les magasins de vêtements et d'autres objets. Alors ici, nous sommes dans la boutique des vêtements du Secours Populaire. Donc c'est une des actions du Secours Populaire, c'est ça ? Oui, donc c'est une des grandes aides qu'on apporte, c'est l'aide vestimentaire. Donc on reçoit des dons très régulièrement. Donc on s'attache à vérifier qu'ils sont en bon état. Et ensuite, soit on les donne directement aux personnes qui en ont vraiment besoin et qui sont dans une certaine urgence. Ou sinon, on est ouvert, comme aujourd'hui, au public, à tout public, l'après-midi. Et donc voilà, les recettes permettent après de financer des actions. Donc c'est souvent, il y a souvent beaucoup de gens qui viennent sur ces journées-là. Alors après les vêtements, on a un peu un rayonnage, on va dire un peu objet, vaisselle, c'est bien ça. J'ai aussi les librairies au fond, etc. Les dons, vous savez, c'est des dons uniquement de particuliers ou ça peut être aussi des dons de collectivités locales, voilà. Souvent, c'est des particuliers, la plupart du temps. Peut-être que des fois, il y a des collectivités, mais peut-être plus pour les livres, du coup. Mais, et puis, parfois, en ce qui concerne les meubles, par exemple, des hôtels qui vont nous donner des matelas quand ils changent toute leur literie. Voilà, donc en tout cas, on fait les vêtements, comme on disait tout à l'heure, la petite brocante, où c'est plein de petits objets, vaisselle, etc. Et puis, des meubles qu'on récupère, toujours en bon état et en état de fonctionner. Et puis, des jouets et des livres... également. Je vois l'électroménager, etc. On peut équiper toute la maison, en fait. Enfin, pour les personnes bénéficiaires, bien sûr. Mais à mon avis. Alors, toute la maison, je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, une bonne partie. Il y a de l'électroménager, des meubles, table basse, parfois canapé, armoire. Ça dépend des arrivages. Et puis, sachant que c'est des dons de particuliers. Mais oui, l'objectif, c'est de pouvoir aider les personnes accueillies en... moyennant une petite participation en fonction de leurs ressources. Alors j'ai pu ensuite l'interviewer et je lui ai demandé quel était son rôle au sein du Secours Populaire. J'ai commencé il y a 3 ans en animant le Village Pop. Donc c'est la petite cafette à l'entrée où les gens patientent en attendant leur rendez-vous. On leur propose café, thé, enfin boisson chaude et puis de quoi manger, grignoter quand on a. L'idée c'est aussi d'animer ce lieu en étant disponible pour les gens qui viennent s'ils ont envie de parler. Ou pas, parce que certains n'ont pas ce souhait-là. Et puis aujourd'hui, il y a un arbre à parole qui a été mis. Le but, c'est que les gens laissent des petits mots. Donc il y a des petits mots, il y a des dessins aussi d'enfants, etc. Alors je voulais demander aussi si au fil des mois, en fait, elle avait tissé des liens avec des bénéficiaires. Alors en fait, j'ai fait ça pendant 6 mois. Mmh. Après, j'ai changé d'activité. Mmh. Mais oui, il y a certains... je pense à une personne en particulier que je voyais régulièrement et avec qui le contact s'est noué. Et puis, ça peut créer un peu de lien. Puis c'est surtout apporter un peu de chaleur dans des temps d'attente qui peuvent être stressants pour la personne avant son rendez-vous. Je lui ai enfin demandé ce qui lui plaît dans le bénévolat. En fait, c'est un choix. C'est un choix, enfin, c'est-à-dire que c'est ma petite sœur qui était là. Mmh. Elle avait du bénévolat à faire dans le cadre de ses études. Et donc elle m'a proposé de venir une fois. Je cherchais une association, mais je ne savais pas trop vers qui aller. Et puis finalement, j'ai commencé par le Village Pop et je suis restée. Et après, je me suis beaucoup occupée de tout ce qui est jeunesse, à travers la commission mise en mouvement de la jeunesse. Donc ça allait de... organiser des événements, des petits événements comme un tournoi de soccer, jusqu'à, on a fait 2 calendriers, 2 années consécutives, des calendriers artistiques. Donc c'était ça, puis après c'était aussi être support du directeur et du secrétaire général quand ils avaient besoin pour certaines choses, donc voilà, en aide. Et la fin du reportage sera tout à l'heure, à la fin de l'émission. Vous êtes bien sur Radio Laser et c'est la popote des idées jusqu'à 11h30. Je Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la misère dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère qui aura lieu lundi. Nous avons en plateau Héloïse Avril, René Villabesset et Marcel Le Hir. Marcel Le Hir, vous êtes donc de ATD Quart-Monde, je le rappelle. On vient d'entendre donc un reportage sur le Secours Populaire. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous travaillez souvent avec d'autres associations qui, pour le coup, avec le Secours Populaire, contrairement à ce que vous faites vous, ont une aide plus matérielle vraiment de donner à des gens des choses auxquelles, enfin des vêtements, des... Oui, de toute façon, on est obligé de travailler ensemble puisque c'est le même combat sous des angles différents. Et donc, quand on prépare ce 17 octobre, on est plein d'associations qui... Parce que ça a été... Le 17 octobre a été reconnu par l'ONU et donc... Le père Joseph Wrzeszczynski, qui a fondé le mouvement ATD Quart-Monde, voulait qu'il y ait une journée mondiale du refus de la misère, où les gens, à ce moment-là, puissent, eux qui ne prennent jamais la parole, puissent exprimer ce qu'ils vivent. Et donc, on est obligé d'avoir plusieurs associations avec nous, puisqu'on a le même combat. Voilà. Très bien. Et ben je propose en fait d'enchaîner tout de suite directement sur la chronique de Colin, puisque Colin a à nous parler de médiatisation, comme chaque semaine. Absolument, Tanguy, et ce micro est extrêmement loin de moi. Alors aujourd'hui, donc, je me suis intéressé à cette personnalité qui, elle, souffre assez peu de la misère et qui est Kim Kardashian. Alors peut-être que certains de nos auditeurs ignorent qui est Kim Kardashian, béni soit-il. Alors c'est la productrice et l'animatrice d'une émission de télé-réalité américaine, l'incroyable famille Kardashian, où elle se met en scène avec son entourage, ce qui la propulse au sommet d'une colossale fortune. Et justement, vous n'avez pas pu y échapper, il y a de cela deux semaines, Kim Kardashian, séjournant à Paris à l'occasion de la Fashion Week, se faisait voler pour 9 millions d'euros de bijoux, menacée par un pistolet sur sa tempe par 5 malfrats qui la laissent ligoter dans sa salle de bain. Le lendemain, choquée, la star quitte la France. Wow, d'accord, mais on s'en fout, non ? Exactement, Tanguy, on s'en fout. On aurait voulu ne pas du tout entendre parler de cette affaire. On parle de Kim Kardashian, donc on parle People, donc l'affaire ne devrait pas traverser cette frontière entre magazine People et presse sérieuse. Les magazines People en ont fait, en effet, une information absolument capitale. Le public parle d'un drame auquel s'ajoute l'arrêt de sa série de télé-réalité qui pourrait lui faire perdre jusqu'à 1 million de dollars par mois. Tanguy, je pense que je vais pleurer. Il y a clairement quelque chose d'obscène dans le fait d'être choqué quand on parle d'argent dans de proportions si astronomique. Quelque chose d'obscène qui n'a pourtant rien de nouveau. Il y avait aussi cette part d'indécence dans le combat pourtant parfaitement légitime que menait Jennifer Lawrence, connue pour incarner l'héroïne de la série Hunger Games, qui se battait pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans l'industrie du cinéma. Si elle gagnait en effet moins que ses collègues pourvus d'un pénis, Jennifer Lawrence était tout de même l'actrice la mieux payée de 2015. Même chose quand sur la chaîne d'information France Info, Emmanuel Macron, qui vient de démissionner à cette époque de son rôle de ministre de l'économie, pardon, est comparé par un journaliste à un SDF devant loger chez des amis parce qu'il a été chassé de son logement de fonction. Un SDF qui gagnait tout de même environ 9 900 € par mois. Un SDF ex-ministre, en fait. Moralement, donc, on peut condamner à la fois la richesse et l'influence acquise par Kim Kardashian grâce à un programme télé abrutissant et se dire qu'elle n'était vraiment pas à 9 millions près. Donc, on s'en fout. Alors, pas tout à fait, Tanguy. D'abord, parce que s'arrêter au problème moral n'est pas suffisant. C'est imaginer, comme Philippe Poutou l'a fait dans un tweet, que les voleurs sont des gentils petits Robin des Bois qui vont redistribuer le 9 millions de bijoux aux pauvres. Spoiler, pas du tout. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas considérer cette affaire comme un non-événement méprisable. Sur France Culture, Guillaume Erner qualifie la richesse de Kim Kardashian d'escroquerie réalisée par une femme dont l'unique activité serait la gestion de sa célébrité. Aussi, Erner fustige une conscience commune, par opposition à la conscience supérieure, à laquelle il appartient probablement, qui s'émeut d'un vol particulièrement violent sans s'émouvoir du fait que Kim Kardashian emporte 9 millions d'euros dans chacun de ses déplacements, c'est-à-dire l'équivalent du PIB de Niue, île du Pacifique Sud, découverte par le capitaine Cook en 1774. Mais c'est ainsi, Kim Kardashian est parvenue à bâtir un empire économique conséquent qu'elle n'a volé à personne. Comme le disait la sémiologue Mariette Darry-Grand, sur France Inter, Kim Kardashian n'est pas une pure ravissante idiote, mais une redoutable femme d'affaires. Au-delà du problème moral, l'argument de « elle a bien mérité de se faire voler ses bijoux, elle avait qu'à pas être aussi riche » me rappelle plus ou moins celui qu'on utilise pour justifiait le fait que les femmes se fassent violer, elles avaient qu'à être plus habillées. C'est la rhétorique développée par Frédéric Ploquin dans Marianne, qui salue l'audace et le professionnalisme d'une équipe de braqueurs gonflés, les petits filous. J'insiste un peu, mais on s'en fout quand même pas mal, non ? Je comprends ton inquiétude, Tanguy. Tu penses que les médias risquent d'accorder un peu trop d'importance à cette affaire et de poser cette question déplacée ? Mais quelle image de la France, la très influente Kim Kardashian, accueillie comme un président, comme une présidente, pardon, à son retour aux États-Unis, va-t-elle transmettre ? Et là, Tanguy, je te rejoins, on s'en fout. C'est cette inquiétude médiatique qui relève de ce que je voudrais appeler la Patrick Balkanisation de l'information. Surtout, il faut montrer au reste du monde que les gens riches n'ont rien à craindre dans nos beaux quartiers. Finalement, pendant qu'on braque nos projecteurs sur la multimillionnaire, on cache la misère, elle. Celle, par exemple, des réfugiés qui survivent avec 6,80€ par jour, que l'État leur verse grassement dans le cadre d'une allocation pour demandeurs d'asile, mais qu'un certain Robert Ménard n'hésite pas à qualifier d'envahisseur. Mais visiblement, l'image que eux se font de la France ne nous apporte que peu. Alors, suite à cela, je voudrais vous poser quelques questions. Héloïse Avril, par exemple, c'est vrai, on peut le dire que vous avez légèrement hésité avant de participer à cette émission. Et ce qui peut se comprendre, mais je voudrais justement vous expliquer peut-être pourquoi est-ce que vous pourriez avoir eu cette hésitation à participer à cette émission pour parler plus ou moins en tant que représentante, en tant que porte-voix de gens qui vivent dans la misère. J'ai hésité parce que... Ce qui me gênait, en fait, c'est pour le moment, je suis pas totalement dans la misère. Donc parler de la misère quand on n'est pas au fond du trou et qu'on n'a pas encore besoin de taper du pied, ça peut être gênant. Après, j'ai des besoins et autres, mais pour le moment, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'arrive à manger au moins une fois par jour, je peux approximativement payer mes factures, s'ils veulent bien attendre un peu. Donc c'est plutôt gênant quand on sait qu'il y a des gens qui sont bien plus dans le besoin que moi, de parler de la misère dans laquelle je suis pas encore, en fait. D'accord. Mais est-ce que, justement, faire parler, à l'occasion justement de cette journée mondiale, pour le refus de la misère, est-ce que ça n'a pas quelque chose aussi d'indécent, peut-être, de profiter juste de l'occasion d'une journée pour permettre aux plus pauvres de témoigner en tant que pauvres seulement Marcel Huyre, peut-être sur la parole que l'on donne, du coup, voilà, un peu aux gens dans la misère. Je pense que c'est important quand même qu'on donne la parole à des gens qui vivent l'extrême pauvreté. Quand je viens d'entendre ce que vous venez de dire sur les bijoux qui se trimballent comme ça autour du cou d'une femme, offusquée parce que on lui a piqué ça, qui lui appartiennent pas en plus. Je trouve ça aberrant de faire autant de potins autour de ça, alors qu'il y a des gens qui sont expulsés. Alors là, on n'en parle pas, on leur coupe l'eau, on leur coupe le gaz parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs factures. Je trouve ça aberrant aujourd'hui en 2016 en France. Non, je crois que on doit, et d'abord je vous invite à venir ce 17 octobre qui sera sur 2 jours, puisque ça sera le 16 au Champ Libre et le 17 à la Maison Carmonde, où je vous invite à venir, et là, rencontrer des gens il faut oser la rencontre. Hein. Le jeune qui est à la rue, si on ne va pas lui dire bonjour, tout ça, moi je pense qu'il faut oser la rencontre pour créer du lien fraternel, c'est-à-dire que à un moment donné de sa vie... il y a eu une rupture, soit dans sa famille ou un truc comme ça, il se retrouve. On juge toujours l'autre sur ce qu'on voit de lui, hein, mais on ne voit jamais ce qu'il y a derrière. Hein. Alors quand on comprend la misère intérieure qu'il a, quand on comprend un petit peu ce qu'il vit, là on arrive à parler avec lui et à le comprendre. Alors donc le 17 octobre, pour moi, c'est une journée qui permet... pas rien que des gens d'ATD Carmonde, pas rien des gens du Secours Populaire. C'est-à-dire que c'est transmettre un message, surtout aujourd'hui, dans ce monde, puisqu'il y a des gens quand même qui ont un salaire et qui vivent dans la pauvreté. Alors c'est les faire comprendre que c'est des gens comme eux, hein, qui ont le droit aussi à un toit, à une maison, enfin, et tout. Donc je suis toujours, enfin, et ça sera mon combat de toute façon, hein, que ça soit pour le placement d'enfants, que ça soit, il y a vraiment des choses qui sont aberrantes aujourd'hui dans notre société. Alors juste René Villabessé, est-ce que vous êtes d'accord sur la parole qu'on ne donne peut-être pas assez aux pauvres, ou alors qui serait déformée, enfin aux gens dans la pauvreté, pardon. Non, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi je dis que la misère, on est tous des êtres humains, il faut s'aimer les uns les autres, déjà. Voir déjà dans le monde qu'on vit, c'est déjà très dur, de voir toute cette misère, c'est inadmissible. Il faut à un moment dire stop. La politique, c'est un truc, la pauvreté, c'est un autre truc. Mais enfin, moi, je dis que vivre, comment dire, enfin, moi, c'est mon monde à moi. C'est un truc que j'ai vécu des trucs horribles, des trucs qui m'ont tenu à cœur. Bon, je suis encore heureux d'être encore en vie, mais bon. Faudrait peut-être en entendre plus parler, vous voulez dire peut-être plus mettre en avant le parcours qu'ont pu avoir des gens, comprendre pourquoi, où est-ce que, comment ils en sont arrivés là, quoi. C'est-à-dire, je veux arriver à un point, c'est-à-dire, il y a le niveau de l'alcool, il y a le niveau de la drogue, il y a les trucs, bon, misère, il y a misère. Bon, on peut parler sur un débat pendant 3 heures comme ça, c'est-à-dire comment la famille a survécu, comment. Elle a eu les besoins, est-ce qu'elle pouvait s'occuper de son enfant, ou est-ce que il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont malheureux, ça fait partie de la vie. Et puis comment dire, mais moi je trouve que moi ça me fait mal au cœur, cette misère. Il faut lutter contre cette misère, parce que c'est très important pour le 17 octobre. Même les gens qui, parce qu'on a toujours une honte, enfin un petit secret entre nous, une honte, qu'on se dit je n'ose pas y aller parce que voilà, j'ai fait ça, mais c'est comme si vous prenez un drapeau et vive la France, c'est bien, on est fiers de porter le drapeau, d'accord, mais la misère c'est encore plus dur, parce que c'est au fond du cœur, c'est la tristesse qu'on a entre nous, donc on se dit j'ai vécu ça, mais tout le monde ne peut pas s'exprimer. Défiler comme ça en disant il y a toujours un mur derrière, quoi. C'est du jour au lendemain on est beau, du jour au lendemain c'est triste, chaque jour suffit sa peine, donc c'est pour moi c'est très important le 17 octobre de profiter de ces moments de parole et de rencontre. Il faudrait que les gens qui s'expriment, quoi, sur une scène, et puis c'est pas de là tout le monde. Moi j'étais quand on fait des congrégations au champ libre, on fait des trucs avec on fait des UP, prendre le micro c'est pas évident. Moi au début je prenais jamais le micro, bon, vous voyez aujourd'hui je le prends mais comment dire, ça me fait plaisir en plus avec des gens que je connais pas, vous voyez. Et au début, c'est dur de prendre la parole, c'est pas évident. C'est comme parler à quelqu'un que vous connaissez pas, c'est pas évident non plus, quoi. Donc c'est, le tout, c'est de s'exprimer, mais ça demande du travail, quoi. Une fois que vous travaillez là-dessus, après, bon, ça peut venir petit à petit, quoi. Mais la parole est très importante. C'est ça qui. Puis s'unir tous ensemble, être réunis tous ensemble, c'est très important, quoi. S'aimer les uns les autres. C'est ça. C'est une bonne conclusion. Alors, Clément, tu avais une question à poser. Elle est très simple. Est-ce que vous pensez que les pauvres vont être plus rejetés dans les années qui viennent, sachant que notre société devient de plus en plus individuelle, de moins en moins collective ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus rejetés ? Oui, la pauvreté. Marcel Lehir, de ATD Tiers, Carmonde. Ben, à la vitesse que ça va, si on ne prend pas les devants, je pense qu'on va dans le mur, hein. Nous, ce qu'on a connu dans notre jeunesse n'aura rien à voir avec ce que les jeunes aujourd'hui vont connaître. Parce que ça sera une autre... avec la modernité qu'il y a, ça sera de la misère moderne qu'on va appeler. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de jeunes qui seront à la rue. Et puis, nous, à notre époque, elle était dans un coin, donc elle était bien ciblée. Et aujourd'hui... on vit avec, on passe à côté, on va acheter son pain et tout, on passe à côté. Elle fait partie de notre environnement. Et c'est pour ça que il faut faire très attention à ne pas blesser la personne qui se trouve soit à la rue ou qui se trouve avec ses sacs à un arrêt de bus. Moi, un jour, il y a une personne qui, une mère de famille, elle était avec ses enfants à République. Elle me dit, Marcel, si tu savais comment le temps m'est paru long, j'ai été 10 minutes à l'arrêt de bus, ça m'a semblé 1 heure, parce que dévisagé par les gens. Hein, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et je pense que on a intérêt à se battre, pas rentrer en guerre, bien sûr, ça ne sert à rien. Non, mais se battre autrement. Est-ce que vous voyez les pauvres aller défiler dans la rue, faire grève pour eux? Alors, en parlant de ça aussi, ATD Carmonde a fait voter une loi dernièrement au Sénat et à l'Assemblée sur zéro chômeur, à l'initiative d'ATD Carmonde et ses partenaires. Donc, c'est en train de fonctionner sur Redon et Pipriac et dans le centre de la France. Mais ça, c'est des actions. C'est des actions. Et donc, on remet des gens qui ont été très longtemps sans travail, dont les entreprises ne veulent pas, hein, ou que les entreprises ne veulent pas faire de ce travail-là parce que c'est pas assez rentable pour eux, c'est trop cher. Donc, on remet les gens à travailler en leur procurant un SMIG. Hein. Donc, les allocations chômage, si vous voulez, qui étaient versées aux chômeurs, quoi, hein, aux chômeurs de longue durée, donc sont reportées par un salaire avec un CDI et une partie de l'État qui reverse le complément pour avoir un SMIC. Et je trouve que c'est très beau. Hein, voilà. Alors sur l'évolution de la pauvreté dans le temps, on peut essayer de comprendre comment est-ce que cette misère se reproduit justement dans le temps. Est-ce que un enfant qui vit dans une famille avec beaucoup de difficultés, enfin vous êtes l'exemple qu'on peut s'en sortir. Est-ce que en majorité le milieu social joue encore énormément? Est-ce que les études, on le voit, si on veut encore sortir des chiffres, on dit que les chiffres c'est mal, mais voilà, mais que malheureusement les gens qui sont dans la misère sont des gens qui ont fait plutôt moins d'études, si je retrouve mon chiffre qui doit être dans le coin. C'est le taux de pauvreté des personnes sans diplôme est de 10% contre 3% pour les bacs plus 2, ce qui montre une différence. Un des meilleurs moyens de sortir de ce cercle vicieux, c'est de faire des études. Héloïse, Avril, peut-être. Ça peut aider, parce que ça fait toujours joli d'avoir le bac et d'avoir des études derrière pour les employeurs. Mais par derrière, on voit plein de gens qui ont bac plus 1, 2, 12, mais qui ne trouvent pas de travail quand même. Au jour d'aujourd'hui, ça vaut pour peu d'avoir un bac ou pas. Enfin, après, ça aide beaucoup. Parce que sur le CV, quand il y a écrit pour l'employeur qu'on a le bac, tout de suite, l'employeur nous pense plus intelligent ou, je sais pas, plus doué de quelque chose. Enfin, je vois pas pourquoi il faut un bac pour aller bosser en usine, des fois. Ça dépend du travail, mais ça fait toujours plaisir à l'employeur de voir qu'on a un bac. C'est pour ça que je reprends mes études. Je me suis arrêtée à un moment, j'ai travaillé et j'ai fait un boulot d'animatrice. On regardait du genre, oui, tu savais pas quoi faire d'autre de ta vie et tu sais rien faire d'autre. C'est pour ça que t'es animatrice. Non, j'aime les enfants et je veux travailler avec. Donc, mais je reprends des études pour plaire à la société, on va dire, quelque part. Ça serait une norme, en fait. C'est une norme qui s'installe progressivement. C'est presque ça, ouais. D'accord. René Villabossay, peut-être sur l'intérêt des études. Est-ce que vous croisez des gens au cours d'ATD qui sont un peu dans cette même situation, qui vont se mettre à faire des études pour ne pas galérer plus tard, mais pas par passion? C'est-à-dire que maintenant, vis-à-vis de mon époque, enfin ma génération, moi j'ai 52 ans, et comment dire, moi j'ai été jusqu'au niveau CAP, bon j'ai travaillé, bon j'ai pas eu mon niveau CAP, j'ai travaillé beaucoup dans le bâtiment, j'ai fait plein de travail à l'extérieur, jusqu'à chauffeur routier, jusqu'à cariste, mais les gens maintenant, comme mademoiselle disait, c'est vrai que pour les jeunes maintenant, c'est très dur, avec le chômage qui se passe et tout, c'est très dur de travailler, comme disait mademoiselle, avoir un bac plus 3, machin, mais il n'y a pas de travail en ce moment, c'est une misère de travailler pendant les années, avoir des bacs plus 3, 4, et on voit qu'il n'y a pas de boulot, quoi. C'est ça le pire pour ces jeunes-là, c'est une galère, quoi. Et quand on pense que les jeunes de maintenant, Déjà, nous, enfin, moi, 52 ans, bon, maintenant, je suis en pension d'invalidité. Mais enfin, bref, j'aurais dû travailler jusqu'à 70 ans, 80 ans pour ma retraite, quoi. Alors, les jeunes de maintenant qui travaillent, c'est encore de plus en plus dur, parce que toutes les portes ferment. Il y a beaucoup de, chômage, beaucoup trop de chômage. On dit, ça hausse, ça vient, ça baisse. C'est pas un truc régulier, quoi. Il faudrait un tempo vraiment soit régulier, mais là, ça monte, ça descend. Les jeunes, ils savent plus où aller, à quelle porte frapper. Bon, ben voilà, j'ai un bac, ben non, je suis obligé de redescendre. Travailler en usine, moi j'ai travaillé en usine, hein. Et puis faire des formations, est-ce que ça va aboutir à quelque chose, est-ce que les boîtes vont ouvrir, moi, ce qui fait le plus de mal, c'est pour les jeunes de maintenant, quoi. Mmh. Leur travail, ils font leur politique à eux, ils ont bien raison, parce que c'est leur vie qu'il faut vivre maintenant, hein. C'est pas les amis en disant oh, oui bon c'est bien j'ai mon bac bon ben demain je m'en sors non et toutes les portes y ferment bon moi je suis pas politicien hein, la politique ça me regarde pas mais enfin moi je plains les jeunes maintenant de il y a des jeunes qui veulent travailler il y a des gens des jeunes moi, que je rencontre et c'est vraiment mais maintenant c'est le problème c'est ça c'est que il y a trop de chômage puis, ouais, le rapport avec le travail est beaucoup trop peut-être trop présent dans la société mais ça c'est tout un autre débat qu'on aura l'occasion je me permets juste d'un peu plus de vous interrompre puisque je vois les minutes qui défilent très vite et qu'il faut qu'on écoute la fin du reportage de Clément donc au Secours Populaire puisque il nous reste deux réponses Ouais, c'est exactement une réponse, enfin deux réponses imbriquées dans une réponse. Pour finir, j'avais posé aux deux personnes à la fin de leur interview respective si pour eux il y avait moins de pauvreté en France en 2016. Nous, on voit pas vraiment d'amélioration, même si on va dire qu'on aide de plus en plus de personnes. Peut-être la progression est un peu moins importante cette année qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais on a toujours entre 50 et 80 personnes qui poussent la porte de notre association. Donc de plus en plus de gens viennent. La presse fait également état de migrants qui vont venir en Ille-et-Vilaine. Donc ça va nous faire effectivement encore plus de solidarité à apporter. Donc trouver d'autres moyens, trouver d'autres bénévoles. Donc non, il y aura toujours effectivement, et en plus, tout le monde ne vient pas frapper à la porte du secours. Des gens qui pourraient avoir droit populaire ne viennent pas pour différentes raisons. Donc il y aura toujours autant de personnes à aider. Mais on est là pour les aider. Non, la pauvreté n'a pas du tout reculé, je pense pas. Déjà, il y a le sondage Ipsos qui est sorti il y a peu de temps en lien avec le Secours Populaire et qui montre bien que c'est pas le cas. Mais au-delà de ce sondage... non, il y a beaucoup de situations précaires, chez les jeunes en particulier, mais pas que. Ça se trouve à tous les niveaux. Enfin, on voit bien que les gens ont du mal à vivre, à joindre les deux bouts, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si l'extrême pauvreté s'est accentuée, mais en tout cas, une certaine forme de précarité qui s'est généralisée, notamment... par rapport au type de contrat de travail. Trouver un CDI, c'est compliqué. Avoir un salaire correct, c'est compliqué. Personnellement, je pense pas que ça aille en s'améliorant, mais je pense que c'est par des actions, des petites choses qu'on fait des grandes choses, en fait. Il y a de l'espoir, donc. Oui, parce que je pense que les gens, ils se mobilisent, justement. Ça prend tellement de place, en fait, qu'il y a une espèce de mobilisation par le bas qui est en train de naître, je pense, et je me dis qu'à terme, enfin d'ici quelques années, ça prendra de plus en plus d'ampleur et que on va se réveiller en quelque sorte et que on pourra pas de toute façon continuer comme ça éternellement puisque c'est pas viable, c'est viable que pour une infinie petite partie de gens quoi. Et c'est sur ces termes qu'on va clore cette émission. On peut faire un rapide rappel donc des événements qui vont arriver. Donc demain, le 16 octobre, vous aurez donc l'occasion de participer à la première journée dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, donc qui se passera au Champ Libre. Plusieurs événements qui se déroulent de 14h à 17h30. Vous aurez l'occasion de retrouver les détails en ligne. Le 17 octobre, journée principale, il y aura notamment un rassemblement Place des Lys devant l'œuvre Chemin de Vie et des expositions du théâtre. peut-être, et même un goûter. Alors allez-y. On peut aussi rappeler l'événement organisé par le Secours Populaire, bien sûr, que nous disait Colin, qui aura lieu donc du 21 au 23 octobre. C'est le Festival de Solidarité. C'est Clément qui nous parlait de ça, pardon pour la confusion des noms. Un rappel des personnes qui m'aident à faire cette émission, donc Clément et Colin pour leur chronique, Arthur qui a bien réussi son rôle pour lancer les virgules, Yves à la technique, Steven qui était là à l'observation. Merci à nos trois invités, Héloïse Avril, René Villet-Besset et Marcel Lehir, donc de ATD Carmont. Merci beaucoup à vous d'être venus, mais un grand merci au Club de la Presse de nous avoir accueillis pour cette émission. C'était vraiment très agréable. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on parlera de journalisme autour de la question, y a-t-il un journalisme inutile? Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur Radio Laser.